Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, l'interview explosive, très spéciale, puisque tu viens pour nous parler de la pièce A, je vais te faire une interview horreur. D'accord. Tu es prêt ? Je suis prêt. Plutôt Stephen King ou Burger King ? Burger King. Plutôt romance thriller ou chanson thriller ? Chanson thriller. Plutôt Scream ou Ice Cream ? Scream. Plutôt 31 octobre ou 31 décembre ? 31 octobre. Allez. Plutôt poupée Barbie ou poupée Chucky ? Poupée Chucky. Plutôt Freddy Krueger ou Michael Myers ? Freddy Krueger. Plutôt zombie ou Rob Zombie ? Zombie. Plutôt loup-garou ou vampire ? Vampire. Plutôt Marine Le Pen ou Donald Trump ? Oh putain. Ni l'un ni l'autre, on a le droit. Tu as le droit, tu réponds ce que tu veux. Ni l'un ni l'autre. Et dernière question, quel est ton film d'horreur préféré ? Le dernier que je suis allé voir au cinéma qui s'appelle Don't Breathe, La Maison des Ténèbres. Avec l'aveugle là, c'est ça ? Je te mets au défi d'aller le voir d'ailleurs. Non, pas du tout. Dans la bande-annonce déjà, elle m'a fait flipper de ouf. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un thriller, mais il est génial. Moi, la bande-annonce m'a fait trop peur. Alors, j'y vais pas. Merci Laurent, on rappelle que ta pièce de théâtre s'appelle Ça se joue tous les samedis soirs à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Il faut réserver, allez-y vite si vous voulez un petit peu frissonner.